Le docteur Roubinoff, de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Feuilleton en 5 épisodes. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode. Il fut parmi les premiers, au milieu des années 50, à quitter l'Union soviétique post-stalinienne. Svelte, étroit d'épaule, des yeux froids couleur noisette, un nez droit, des lèvres minces, l'image même de l'agent d'instruction du KGB, avant l'insurrection de 1953 en Allemagne de l'Est, la disparition consécutive de Beria et l'avènement de l'ère Khrouchtchev. En descendant du taxi, il s'attarda un instant au pied d'un perron de pierre pour goûter la fraîcheur ouatée d'un début de matinée de septembre sans soleil. Au bout de la 110e rue, c'était Broadway, et 6 blocs plus loin, sur la droite, l'entrée de Columbia University. Il trouva le logement à son goût, l'ôta son pardessus et son veston, défit ses bagages, s'installa sur le canapé et ferma les yeux. À 20h, la sonnerie de sa montre le réveilla. Il décrocha le téléphone. « Ilana Davita ?» dit-il. Léon Chertoff à l'appareil. « Je suis heureuse de vous entendre. Il y a un restaurant dans la 114e rue Ouest, à 2 blocs de l'université, sur le trottoir opposé. Nous pourrons parler en prenant le petit déjeuner. » « Très bien. » J'aurai un pantalon écossais et un chemisier blanc. J'ai des cheveux blonds mi-longs et des lunettes. Ils se rencontrèrent à l'entrée du restaurant. Ils se serrèrent la main et suivirent le serveur qui les installa à une table tout au fond de la salle. En Europe de l'Ouest, après qu'il eut franchi très discrètement la frontière de la RDA, on lui avait demandé quelles informations secrètes il serait à même de fournir. Il y avait là une sorte de sous-fifre qui ne cessait de le questionner pour essayer de savoir s'il était un provocateur ou un transfuge, s'il souhaitait véritablement se rendre utile ou s'il servait de piège. Il leur fallait des témoignages de sa bonne foi, des renseignements biographiques. Il passa ainsi de service en service. Aux États-Unis, il dut donner de longues explications. On lui confirma que la CIA recasait les transfuges dont l'authenticité était avérée. Elle les prend en charge. Ils reçoivent un salaire et, bien que n'étant pas des pupilles de la nation, l'État les aide à trouver un emploi, à bénéficier de la sécurité sociale et à obtenir un permis de conduire. En principe, on les installe dans des endroits où il y a une importante communauté russe, par exemple dans la région de la baie de San Francisco et bien entendu à New York. Il existe au sein de l'agence une cellule qui n'a pas de nom, un bureau politique chargé de s'occuper de ces personnes. Le Congrès supervise l'ensemble de ses activités. Pour sa part, Chertoff résidait aux environs de Washington. Il avait passé un contrat avec une agence spécialisée dans l'organisation de tournées de conférences. Il s'apprêtait à faire ses premières armes dans les universités de Pennsylvanie, de Princeton, de Columbia, de Yale, de Brown et de Harvard. Il avait 58 ans. Il ne savait trop quoi faire de sa vie. Une vie désormais terminée à bien des égards. C'est un plaisir de vous connaître, monsieur Chertoff. J'ai demandé au directeur de mon département si je pouvais vous servir de guide. Le serveur arriva avec les petits déjeuners. Ils commencèrent à manger sans presque parler. Elle ouvrit une chemise en papier kraft et y prit la feuille où figurait son programme. 2 journées de cours pour les étudiants, matin et après-midi, traitant de la mentalité soviétique, et le soir, une conférence publique sur le comité antifasciste soviétique, dit-elle. Puis elle lui remit la chemise, en conservant toutefois une copie carbone de son programme. Une fois le petit déjeuner terminé, ils sortirent du restaurant, traversèrent la rue et se rendirent à pied à Columbia University. En arrivant au département des études russes, elle le présenta au directeur, un homme grand et maigre, aux cheveux ras. Ils entrèrent tous trois dans une petite salle où Léon Chertoff devait donner ses cours. Ilana Davita, qui était assistante d'enseignement, s'assit parmi les étudiants. Le président s'adressa à la classe. Monsieur Chertoff figure parmi les experts qui ont quitté le plus récemment l'URSS pour aider le département d'État à se faire une meilleure idée du regard que l'Union soviétique porte sur le monde. Il a été partie intégrante de ce régime pendant plus de 20 ans. Il a choisi pour sujet le psychisme soviétique. Ce séminaire s'articulera sur 4 séances. Léon Chertoff prit la parole. Il avait un ton à la fois sobre et captivant, convaincant. Il consacra une partie de son cours aux relations de l'Union soviétique avec la presse étrangère. Le soir, après la conférence publique, il retrouva Ilana Davita et lui dit qu'il aimerait parler un peu avec elle. Ils allèrent prendre un verre dans un bar voisin. Ils eurent une longue conversation. Le lendemain après-midi, elle assista à son dernier cours. Il avait emporté ses bagages car il devait partir directement pour une autre université. Tout en le raccompagnant jusqu'à la sortie, elle lui demanda s'il n'avait jamais écrit quelque chose sur ses activités antérieures. Il répondit par la négative, mais ajouta qu'il aurait pourtant des histoires à raconter, des histoires à propos d'un certain médecin militaire. Mais je ne mettrai jamais rien par écrit. Dans ce cas, vos histoires mourront avec vous. Tant pis. Qui pourrait s'intéresser aux histoires d'un juif de plus? Moi? Sans histoire, il n'y a plus rien. Les histoires sont la mémoire du monde. Sans histoire, le passé s'efface. Dès que vous le pourrez, il faudra vous risquer au moins à écrire quelque chose sur ce médecin militaire. C'est un risque que je ne prendrai pas. Il est là un taxi. Jeta ses bagages à l'intérieur, monta, s'assit sur la banquette et la voiture l'emporta. Vers la fin de décembre, elle reçut de lui un paquet contenant plusieurs récits, accompagné d'une lettre. « Chère Ilana Davita, je ne voulais pas écrire quoi que ce soit, mais vos paroles m'ont fait changer d'avis. Voici les premières histoires. Elles sont vraies, dans la mesure de mes capacités à faire revivre le passé. » Le deuxième envoi arriva quelques semaines plus tard. Puis après un silence de plusieurs mois, elle reçut les dernières histoires. Je suis né en Ukraine, dans une famille pieuse. Et pendant la Première Guerre mondiale, l'armée du Tsar m'affecta dans une section de travailleurs. Sans doute parce que j'étais juif et que nos chefs ne nous jugeaient pas aptes à être de bons soldats. Ça ne me dérangeait pas. Je n'avais aucune envie de me retrouver en première ligne pour me battre contre les Allemands. J'empilais des caisses d'obus sur des chariots et, pendant quelque temps, je conduisis même un de ces bruyants véhicules, toujours lourdement chargé et tiré par 4 solides chevaux, en faisant la navette entre le point de chargement et le front, à travers des zones marécageuses et par des routes de terre. Quand il pleuvait beaucoup, les chevaux glissaient, peinaient, et quelquefois nos chariots s'embourbaient jusqu'à l'essieu. Un matin, alors que nous nous hâtions de franchir un marais, nous fûmes bombardés par les Allemands. Et quand le tir de barrage cessa, il ne restait plus que 18 hommes vivants. J'étais l'un d'eux. Un jour, que nous franchissions à gué une rivière peu profonde, je vis 2 villages complètement incendiés et plusieurs douzaines d'hommes pendus aux arbres par le cou, au bord de la route. Un vieux paysan édenté qui se tenait sur le bas-côté, son chapeau à la main, nous dit que c'était des Juifs qui avaient espionné pour le compte des Allemands. Je crois que nous étions alors près de la frontière de cette partie de la Pologne qu'on appelle la Galicie. Nous parvînmes dans une région de petites collines, de champs ondoyants, et de chemins de terre. Là, on nous fit creuser des tranchées. Les Allemands nous attaquèrent, nos soldats les repoussèrent, puis ce fut notre tour de monter à l'assaut, à la suite de quoi je ne vis plus que des cadavres partout dans les champs. Parmi les coquelicots, les bosquets de bouleaux et les pentes fleuries, une riche moisson de corps déchiquetés. On me donna une pelle en me disant d'aller aider à creuser des tombes. Nous les fîmes profondes de plus de 6 pieds, très larges et très longues. Puis nous les remplîmes presque jusqu'à ras-bord des corps de nos soldats. Des jours durant, nous ne fîmes que creuser et remplir des fosses. Des cadavres dans d'étranges positions, rigides comme des morceaux de bois, avec des gaz et des bruits mystérieux s'échappant des plaies. Nous faisions notre possible pour que les visages restent couverts. Les morts, la poussière, les mouches. Quelquefois, quand je me rendais compte, à la vue d'un corps en partie dénudé, que c'était un juif que je lançais dans la fosse, je récitais un psaume en silence. J'exécutais les consignes et faisais ce que l'on me disait de faire. Un jour, j'entendis mes hommes maudire le tsar. Mes hommes, des paysans pour la plupart, qui maudissaient leur tsar. Peu après, de nouveaux soldats arrivèrent dans notre régiment. Ils avaient l'air d'étudiants. Ils étaient pâles et maigres et portaient des lunettes et des casquettes cramoisies. Ils nous distribuèrent des tracts et parlaient de mettre fin à cette maudite guerre. L'un d'eux me fourra l'une de ses feuilles dans les mains en disant que le pays appartiendrait bientôt aux travailleurs. Cet été-là, nous prîmes Lvov. Puis nous dûmes à nouveau nous replier. Ce fut une vraie déroute. J'avais perdu presque tout mon peloton. À bout de force, je montais avec une douzaine d'autres combattants dans une longue charrette tirée par 4 chevaux à moitié morts de faim. Nous faisions partie d'une colonne poussiéreuse de soldats et de véhicules qui s'étirait par devant et par derrière, aussi loin que portait le regard. À la fin de septembre, les Allemands attaquèrent une fois de plus et nous fîmes repli à travers des forêts et des marécages. Je crois que nous allions vers Riga et Petrograd. On m'avait donné un nouveau peloton et j'entendis des soldats dire qu'ils étaient commandés par un Youpin. Ils m'appelaient Kalik le Youpin et, au cours de la nuit, il y eut 2 désertions. Un jour, à l'automne, un officier nous annonça qu'il y avait un nouveau gouvernement à Petrograd et qu'il allait faire la paix avec les Allemands. Il nous dit ensuite qu'il partait se saouler. J'entrai dans un champ voisin pour faire ma prière de l'après-midi et remercier le Tout-Puissant d'avoir mis un terme à la guerre. Debout, dans les herbes sèches, j'entendis un souffle d'air murmurer à mon oreille gauche et sentis le léger déplacement d'une onde de choc suivi d'un craquement lointain, presque inaudible. Et je compris qu'on me prenait pour cible. Mes hommes tiraient-ils sur leur youpin de chef? 2 autres coups de feu retentirent dans mon dos, venant de mon unité. Je me baissai et commençai à courir. Quelque chose heurta mon bras gauche, sous le coude. Je vis que la manche de mon uniforme gris était déchirée et imbibée de sang. Puis je reçus un violent coup de matraque sur la tête. J'émergeai des ténèbres et ouvris les yeux. « Ne bougez pas la tête, » dit une voix de femme à mon oreille. Je la bougeai quand même. Une douleur fulgurante me parcourut le crâne, la colonne vertébrale et l'arrière des cuisses. Je restai immobile tout le temps que l'infirmière me soignait. Elle me passa sur le front quelque chose qui me brûla pendant de brefs instants et refit mon pansement. Puis elle s'en alla en emportant une cuvette d'émail contenant le bandage usagé, des tampons de ouate et une paire de ciseaux. Je tournai la tête tout doucement et vis que je me trouvais dans une grande pièce percée de hautes fenêtres à travers lesquelles brillait un pâle soleil. Un hôpital de campagne. Le sol était jonché de paille. Les blessés, couchés par terre sous des couvertures, étaient alignés sur 3 rangées. 2 surveillants et une infirmière circulaient parmi eux. Une atmosphère empoussiérée, la puanteur de l'urine mêlée au sang et les gémissements des blessés. On me transféra dans un hôpital de Petrograd où l'on me coucha dans un lit étroit pourvu d'un mince matelas. Les murs de la salle étaient peints en bleu et blanc et les infirmières allaient et venaient en silence. Beaucoup de blessés mouraient. On les emportait et d'autres prenaient leur place. Ma blessure au bras s'infecta peu après mon arrivée à l'hôpital. La fièvre me consumait. J'étais persuadé que j'allais bientôt mourir. Des nouvelles des troubles parvenaient jusqu'à nous. Des soulèvements révolutionnaires à Petrograd et à Moscou. Le tsar et sa famille emprisonnés. Des bolcheviks nommés Lénine, Trotsky, Staline, Zinoviev et Boukharine au pouvoir. Il y avait des blessés qui se plaignaient en marmonnant que les Youpins étaient en train de prendre possession de la mère patrie. Des Youpins partout. Des Youpins qui dirigeaient tout. Qui acceptera d'obéir aux ordres d'un juif ? Couché face au mur, je me taisais. Deux médecins vinrent à mon chevet et se consultèrent pour savoir s'il fallait me couper le bras à partir du coude ou un tout petit peu plus haut. Ce fut pour moi le moment le plus noir. Les médecins s'en allèrent. Et quelques minutes plus tard, l'un d'eux revint me voir. Il approchait de la quarantaine. Il était grand et mince, avec une barbe rousse, une petite bouche et des yeux bleu pâle derrière des lunettes rondes cerclées d'une fine monture dorée. Il me dit à voix basse « Demain, je tenterai une dernière fois de bien nettoyer la plaie. Ce sera douloureux, mais je veux faire encore un essai. » Il posa sur moi un regard pensif, puis jeta un coup d'œil autour de lui et chuchota « Ne seriez-vous pas, par hasard, un juif pratiquant ?» Mon sang se glaça. Dans le lit voisin, à ma droite, était couché un cosaque du Don qui avait perdu les deux jambes, et à ma gauche, un paysan du Sud qui avait reçu une balle dans le cou. Je fermai les yeux et détournai la tête. Il répéta sa question. « Êtes-vous un juif pratiquant ?» Je réfléchis, la tête brûlante de fièvre. Pourquoi me le demande-t-il ? Il lui suffirait de... « Bon, dit-il, ça ne fait rien. » En entendant ses pas s'éloigner, j'ouvris les yeux et le vis remonter l'allée entre les lits, puis sortir de la salle. Un homme de haute taille, avec un port d'une extrême dignité. Le lendemain matin, une infirmière nommée Gélia, blonde, rose et potelée, me lava la figure, la poitrine et le bras droit sans m'ôter mon pansement. « Dis-leur de te bourrer de vodka !» me conseilla le cosaque au moment où Gélia et un aide-soignant m'emmenaient. Dans la petite salle d'opération, l'aide-soignant me fit monter sur une table métallique. « Voulez-vous de la vodka ?» demanda l'infirmière. « Je ne peux pas vous donner de chloroforme. Nous le gardons pour les cas vraiment graves. » Je secouai la tête. « Bon, dit-elle, ça ne servirait qu'à vous rendre malade après. » Le médecin entra. Il portait une blouse de chirurgien. « Nous sommes prêts ? Bien. » Il m'avait l'air d'un soldat courageux. « Nous allons procéder lentement et prudemment, et nous tâcherons de sauver votre bras. » Gélia l'aida à découper le pansement. Le garçon de salle regardait. En pénétrant dans le bras, la balle s'était fragmentée. Elle avait transpercé la chair et le muscle et ébréché un os. Le médecin orienta la lampe suspendue au plafond et se pencha sur mon bras, armé de ciseaux et de tampons. J'étais fasciné de voir l'agilité de ses mains. Tout en travaillant, il me parlait à mi-voix. « La main est une merveilleuse création, une chose d'une complexité et d'une perfection inouïe. De toutes les parties du corps, aucune ne m'émerveille autant que la main. Avec quelle harmonie les os, les muscles et les tendons œuvrent ensemble pour exécuter les tâches qui leur sont données. » J'entendis un cliquetis, et la douleur fut telle que je redressai brusquement la tête, mais sans crier. Il recommença trois ou quatre fois la manœuvre, puis répandit un liquide sur toute la plaie et sur ma main. Ensuite, il nettoya à nouveau la blessure et y versa encore du liquide. Ça sentait un peu la teinture d'iode, mais comme la tête me tournait et que j'étais fiévreux, je n'étais pas sûr. Je vis de la sueur sur son front. Son masque de chirurgien aplatissait sa courte barbe rousse. Il versa une poudre sur la plaie et fit signe à l'aide-soignant de me détacher. Gélia me fit un pansement. J'avais des élancements dans le bras. Je ressentais la douleur jusque dans la poitrine et l'entrejambe. Je perdis connaissance avant qu'on m'emmène de la salle d'opération. Quand je revins à moi, Gélia était là. Elle me donna un peu d'eau. Le docteur arriva peu après et lui fit signe de partir. « Je pense qu'on a tout enlevé, » dit-il en se penchant très près. « Je sais que vous êtes un juif pieux, parce que je vous ai entendu dire une prière dans la salle d'opération. D'où êtes-vous ?» Je lui indiquai le nom de mon village et de la ville la plus proche. Il se tut quelques instants et tira sur sa barbe. « Je suis conscient que ce que je vais vous dire maintenant ne sert à rien. Mais je vais vous le dire quand même. J'ai besoin de le dire. Je ne sais ni lire ni écrire notre langue sacrée. J'aimerais posséder ce savoir, et je regrette qu'il ne m'ait pas été donné dans l'enfance. » Il se redressa, me regarda un long moment avec tristesse, puis s'en alla. Le lendemain, Gélia m'annonça que l'armée blanche était arrivée à moins de 100 kilomètres de la ville, mais qu'on ne parlait pas encore d'évacuer l'hôpital. Je me dis qu'ils attendraient probablement la dernière minute, en abandonnant les blessés les plus atteints. « Ça se présente bien », me dit le médecin 2 jours plus tard, alors qu'il pansait ma blessure dans la salle d'opération. Il s'appelait Pavel Roubinov et il était de Moscou. Je me suis renseigné au sujet de votre village. Il a été assez longtemps proche du front, mais maintenant le calme est revenu. Il me regarda un moment dans les yeux. « J'ai ici un livre », ajouta-t-il en tirant de la poche de son uniforme un volume qu'il me montra. C'était un livre de prière en hébreu. Il m'a été donné il y a quelques semaines par un blessé qui n'a malheureusement pas survécu. Il avait peur qu'on le jette aux ordures. Vous serait-il possible de m'apprendre à prononcer les lettres et les voyelles ? Je regardais le livre de prière avec attention. Il ressemblait beaucoup à celui que j'avais perdu quelque part entre l'hôpital de campagne et Petrograd, en même temps que mes phylactères. Petit, vieux, usé. Sali. Le médecin me demandait de lui apprendre à lire la langue sacrée, dans cet hôpital. « Je comprends votre situation, » reprit-il. « Nous ferions ça discrètement. Peut-être ici, dans cette pièce. Seulement quelques minutes à la fois. J'apprends très vite. » Je lui répondis que j'étais d'accord. Il remit le livre dans sa poche en me disant de faire quelques pas pour prendre un peu d'exercice. Puis de me recoucher. C'était le docteur Roubinov de Chaim Potok. Traduction Martine Leroy-Battistelli. Premier épisode avec Nicolas Struve, Léon Chertoff, Sarah Caponi, la narratrice. Découpage, Catel Guillou. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidoroff.